Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non point à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi alors avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, et l'avarice, qui est une idolâtrie. Pour lesquelles choses la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles, et dans lesquelles vous avez marché autrefois, quand vous viviez en elles. Mais rejetez maintenant toutes ces choses, la colère, l'animosité, la médisance, et qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, et ayant revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, en qui il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncision, ni prépuce, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ y est tout, et en tous. Soyez donc, comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient, vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant les uns aux autres, et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites en de même. Et outre tout cela, soyez revêtus de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur. Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou par œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à notre Dieu et Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il est convenable selon le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez point contre elles. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez point vos enfants, afin qu'ils ne perdent pas courage. Serviteurs, obéissez en toutes choses à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, ne servant point seulement sous leurs yeux, comme voulant complaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant Dieu. Et quelque chose que vous fassiez, faites tout de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur le salaire de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Mais celui qui agit injustement, recevra ce qu'il aura fait injustement, car en Dieu il n'y a point d'égard à l'apparence des personnes.